الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه أما بعد. On continue la traduction de l'explication de Umdat al-Ahkam, appelé Taysir al-Allam, un livre de l'imam Abdulghani al-Maqdisi, rahimahullah, et l'explication de Cheikh Abdullah al-Bassam, rahimahullah ta'ala. Durant le dernier cours, on avait expliqué les hadiths 48, 49 et 50. Le hadith 48, qui est le hadith de Ali ibn Abi Talib, suivi du hadith d'Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu ta'ala anhum ajma'in, qui se porte volontaire pour nous réciter ces deux hadiths. Nadir. عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الخندق ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا ملأ الله بيوتهم قبورهم وبيوتهم نارا كما شغلون عن الصلاة حتى كما شغلون عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس وفي لفظ رواه البخاري ومسلم وفي لفظ لمسلم شغلون عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ملأ الله ثم صلاها بعد بين العصر بين المغرب والعشاء احسنت. وله اي لمسلم من حديث عبد الله بن مسعود وله عن عبد الله بن مسعود حبس المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة العصر حتى احمرت او اصفرت حتى احمرت الشمس او اصفرت. نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ملأ الله شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ملأ الله أجوافهم وبيوتهم وقبورهم نارا أو حاش الله أجوافهم وبيوتهم نارا وقبورهم نارا. أحسنت. طيب الحديث 49. Le 49e hadith, qui est le hadith d'Abdullah ibn Abbas, radiallahu anhu, qui se propose. Abdurabou. Qui? Hassan. Tadam. Abdullah ibn Abbas. Abdullah ibn Abbas, radiallahu anhu, qala, akhraja Umaru, faqala. أعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج عمر فقال الصلاة يا رسول الله رقد النساء والصبيان فخرج ورأسه يقتر يقول لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بهذه الصلاة هذه الساعة. أحسنت. رواه البخاري ومسلم. والحديث 50 سكوتهم حديث كي حديث عائشة رضي الله عنها حديث extrêmement court qui l'a pris toutes les têtes se baissent. Hamad, tu l'as pris? Non? C'est un peu. Mounir. Abdelaziz. Taïb Salim. Je sais que Salim, il a pris. Il va sauver l'honneur aujourd'hui. Ah. قال فإذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدأوا بالعشاء. إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدأوا بالعشاء. رواه البخاري ومسلم. أحسنت. طيب يقول المؤلف رحمه الله الحديث 51. سلامة الله. 51 حديث. ولمسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. رواه مسلم. Et selon Muslim, et d'après Muslim, selon Aisha radiallahu anha, elle dit, j'ai entendu l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire, point de prière en présence de la nourriture, ni lorsque les deux orifices le poussent, ni lorsque les deux orifices le poussent. Hadith rapporté par Muslim. Ce hadith, inshallah, la semaine prochaine, tout le monde doit le connaître. La salata bihadrati ta'am wala bihadrati ta'am wala wa huwa yudafi'uhu al-akhbathan. Al-ma'na al-ijmali. Taqaddama fi al-hadith al-sabiqi dhikru raghbati al-shari'i al-akidati fi hudur al-qalbi fi al-salati bayna yaday rabbih. Wa la yakunu dhalika illa biqat'i al-shawaghil allati yusabbibu wujuduha 'adama at-tuma'nina wal-khushu'. Lihadha فإن الشارع ينهى عن الصلاة بحضور الطعام الذي نفس المصلي تتوقع إليه وقلبه متعلق به، وكذلك ينهى عن الصلاة مع مدافعة الأخبثين اللذين هما البول والغائط، لأن صلاة الحاقن أو الحاقب غير تامة لانشغال خاطره بمدافعة الأذى. Le sens général du hadith. Il a été cité dans le hadith précédent, qui est le hadith d'Abdullah ibn Abbas, le désir de la religion que la personne qui accomplit sa prière doit la faire avec une présence du cœur, d'autant plus qu'il est positionné devant son Seigneur subhanahu wa ta'ala. Et cette présence du cœur et cette concentration ne peut exister qu'en coupant tout ce qui pourrait distraire la personne et l'éloigner de la quiétude et du recueillement dans la prière. Ainsi, l'islam, ou Allah Azza wa Jal, a interdit de prier en présence de la nourriture. Une nourriture qui est espérée par le prieur et son cœur y est attaché. Ainsi, également, il est interdit de prier lorsque les deux orifices sont poussés. Lorsque les deux orifices sont poussés par l'urine et par les excréments. Car la prière de celui qui a une envie d'uriner, ou de celui qui a une envie d'aller au sel, sa prière n'est pas complète, car son esprit est occupé par l'extraction et par le fait de repousser ces deux choses. اختلاف العلماء, la divergence des savants. أخذ بظاهر الحديث الظاهرية وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فلم يصحح الصلاة مع وجود الطعام ولا مع مدافعة أحد الأخبثين وعد الصلاة باطلة إلا أن شيخ الإسلام لم يصححها مع الحاجة إلى الطعام والظاهرية شذوا فلم يصححوها مطلقا وذهب جمهور العلماء إلى صحة الصلاة مع كراهتها على هذه الحال وقالوا إن نفي الصلاة في هذا الحديث نفي لكمالها لا لصحتها. سلام طبعا. La divergence des savants. Les savants ont divergé sur ce hadith et certains ont pris ce qui apparaît du hadith, comme Al-Zahiriya ainsi que Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah ont pris ce qui apparaît du hadith et ont donc déduit que la prière accomplie en présence d'une nourriture ou lorsque la personne est pressée par ses deux orifices, ils ont considéré cette prière comme étant nulle et comme étant invalide. Et Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah a donné un détail ou une condition. Il a considéré invalide la prière de celui qui prie en présence de la nourriture lorsque celui-ci a besoin de manger. S'il n'a pas besoin de manger et qu'il prie en présence de la nourriture, alors sa prière n'est pas invalide. Quant à Al-Zahiriya, eux, ils considèrent la prière invalide dans tous les cas. C'est l'avis de Zahiriya en particulier et l'avis de Cheikh al-Islam, vous le connaissez. Quant à la plupart des savants, ils sont de l'avis que la prière est valide, mais qu'il est déconseillé de prier dans cet état. Et ils ont dit que la négation de la prière dans le hadith, lorsque le professeur Hassan a dit « point de prière en présence de la nourriture, ni lorsque les deux orifices le poussent ». Point de prière, ils ont dit que dans ce hadith, ce qui est nié, ce n'est pas la validité de la prière, mais le fait que la prière soit complète. C'est-à-dire que il faut comprendre le hadith dans le sens point de prière complète pour celui qui prie en présence de la nourriture, ni pour celui qui prie lorsque les deux orifices le poussent. طيب ما يؤخذ من الحديث أولا كراهة الصلاة عند حضور الطعام المحتاج إليه في حال مدافعة الأخبثين ما لم يضق الوقت فتقدم مطلقا. Ce qu'on retient du hadith. Ce qu'on retient du hadith, premièrement, qu'il est déconseillé de prier en présence d'un repas que l'on a besoin de manger. Et également lorsque les deux orifices sont pressés. À condition que l'heure de la prière ne s'apprête pas à sortir. Car dans ce cas, la prière doit être précédée. ثانياً, إن حضور القلب والخشوع مطلوبان في الصلاة. Deuxièmement, la présence du cœur ainsi que la concentration sont deux choses qui sont demandées pendant la prière. Pourquoi ? Comment on déduit cela ? Comment on déduit que ces deux choses sont demandées pendant la prière ? Le hadith nous interdit de faire tout ce qui pourrait nous distraire. Donc, c'est que l'islam nous demande d'être concentrés pendant notre prière. Thalithan, ينبغي للمصلي إبعاد كل ما يشغله في صلاته. Troisièmement, le prieur doit éloigner tout ce qui pourrait le distraire de sa prière. Donc ici, le professeur Hassan a cité ces deux choses. Est-ce que on doit se restreindre à ces deux choses? Chacun a sa nature. Chacun a été créé d'une façon particulière. Et il y a des choses qui, toi, peuvent te déranger dans la prière, qui ne dérangent pas les autres. Si tu sais qu'il y a des choses qui te dérangent durant ta prière et que tu pries chez toi, par exemple, des prières surérogatoires, alors éloigne ce qui pourrait attirer ton attention. Rabi'an, inna al-hajata ila al-ta'ami aw al-sharabi aw al-tabawwuli aw al-taghawwuti kullu ulaika 'udhrun fi tark al-jum'ati wal-jama'a bi shart ألا يجعل أوقات الصلوات مواعيدا لما ذكر ما هو في مقدور الإنسان منها. Quatrièmement, le fait d'avoir besoin de manger ou de boire ou d'uriner ou d'aller au sel, tout ceci sont des excuses valables qui permettent de ne pas assister à la prière de Jumu'ah ou à la prière en groupe. à condition de ne pas faire des heures de prière des rendez-vous pour ces choses. À condition de ne pas faire des heures de prière des rendez-vous pour ces choses. Donc tu as le droit, si tu as faim, de manger, et si le moment où tu manges coïncide avec l'heure de la prière, tu as le droit de manger et de ne pas assister à la prière en groupe à la mosquée, à condition de ne pas manger tout le temps à l'heure de la prière, et de même pour les besoins naturels. خامساً قال الصنعاني واعلم أن هذا ليس في باب تقديم حق العبد على حق الله تعالى بل هو صيانة لحق الباري لئلا يدخل في عبادته بقلب غير مقبل على مناجاته. Cinquièmement, une parole très importante de l'imam al-Sam'ani rahimahullah, l'imam al-Sam'ani qui est celui qui a expliqué, entre autres, Bulugh al-Maram. Dans son livre Subulus Salam, il dit rahimahullah, et sache qu'il n'y a pas dans ce chapitre ou dans ce chapitre le droit du serviteur n'est pas précédé au droit d'Allah. Autrement dit, ne comprend pas que le fait qu'il t'ait autorisé de manger et de consommer le repas plutôt que de prier, ne pense pas que ceci est une priorité du droit du serviteur sur le droit d'Allah. Non, bien au contraire, c'est un entretien et une préservation du droit d'Allah, car ceci te permet ou t'évite de rentrer dans l'adoration d'Allah Azza wa Jal avec un cœur qui n'est pas prêt à se concentrer et à s'humilier devant Allah subhanahu wa ta'ala. C'est clair ou pas? Sadisan, fassara ba'duhum al-khushu'a bi'annahu majmou'un min al-khawf wa-sukun. Fahuwa ma'nan yaqumu fi an-nafs yadhharu minhu sukunun fi al-a'dha' yula'imu maqsoud al-ibadah. Sixièmement, certains ont expliqué la concentration et le recueillement dans la prière comme étant un ensemble de peur et de quiétude. Et lorsqu'il est présent chez la personne, eh bien cela se ressent dans la quiétude de ses mouvements qui correspondent et coïncident avec ce qui est attendu de l'adoration. فائدة قال العلماء الصلاة مناجاة لله تعالى فكيف تكون مع الغفلة وقد أجمع العلماء على أنه ليس للعبد إلا ما عقل منها لقوله تعالى وأقم الصلاة لذكري وقوله ولا تكن من الغافلين ولما رواه أبو داود والنسائي وابن حبان مرفوعا إن العبد لا يصلي الصلاة لا يكتب له عشرها ولا سدسها فالصلاة إنما فرضت لإقامة ذكر الله فإن لم يكن في قلب المصلي تعظيم وهيبة له نقصت قيمة الصلاة وحضور القلب هو تفريغه من كل ما هو ملامس له فيقترن إذ ذاك العلم والعمل ولا يجري الفكر في غيرهما وغفلة القلب في الصلاة عن المناجاة ما لها سبب إلا الخواطر الناشئة. Et une remarque que fait Cheikh al-Bassam rahimahullah, il dit, les savants ont dit que la prière c'est une relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Comment cette relation peut-elle avoir lieu avec une insouciance? Tu ne peux pas avoir une relation avec quelqu'un si tu es insouciant envers lui. Et les savants sont unanimes sur le fait que le serviteur et le musulman n'a de sa prière que ce qu'il a raisonné dans celle-ci. Et la preuve et la parole d'Allah Azza wa Jal, wa aqimis salata li dhikri, et accomplis la prière pour mon rappel. Lorsque tu pries pour Allah Azza wa Jal, c'est pour te rappeler Allah. Comment peux-tu prier en ne pensant pas à Allah Azza wa Jal? Et la parole d'Allah Azza wa Jal également, wa la takun min al-ghafilin, et ne fais pas partie des insouciants. Et la preuve également est le hadith rapporté par Abu Daoud, An-Nasa'i ibn Hibban, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: et un serviteur prie une prière et il ne lui est écrit de celle-ci ni le dixième ni même le sixième. La prière est donc ou a été rendue obligatoire pour proclamer le rappel d'Allah. Et s'il n'y a pas dans le cœur du prieur l'immensité d'Allah et la peur d'Allah, alors celle-ci perd en valeur. Et la présence du cœur signifie que le cœur se consacre entièrement à la prière et qu'il s'éloigne de tout ce qui pourrait le déranger. Et également, toute pensée ne doit être consacré ou dédié que à la science et à l'acte en rapport avec la prière. Et il dit, pour finir, que l'insouciance des cœurs pendant la prière et la distraction n'ont de cause que l'amour de cette vie d'ici-bas. C'est parce que tu as un amour de cette vie d'ici-bas au-dessus de la normale que tu es déconcentré pendant ta prière. Car si tu penses à ton argent, si tu penses à ta famille, si tu penses à ton rendez-vous pendant la prière, c'est que tu aimes trop cette vie d'ici-bas. Et lorsque tu entres en prière, on l'a vu tout à l'heure, qu'est-ce que tu dis? Allahu Akbar, qu'Allah est plus grand que toute chose, qu'il est plus important que ton argent, que ta famille et que ton rendez-vous. Pourquoi penses-tu à cela en délaissant la chose la plus importante et en ne te rappelant pas d'Allah Azza wa Jal pour qui tu pries? ثم يقول المؤلف رحمه الله باب أوقات النهي. Puis l'auteur ouvre le chapitre des heures dans lesquelles il est interdit de prier. حُظِرَتِ الصَّلَاةُ فِي أَوْقَاتٍ مُعَيَّنَةٍ لِحِكَمٍ يَعْلَمُهَا الشَّارِعُ كَالْإِبْتِعَادِ عَنْ مُشَابَهَةِ الْكُفَّارِ فِي وَقْتِ عِبَادَتِهِمْ وَأَوْقَاتُ النَّهْيِ ثَلَاثَةٌ: الأول من صلاة الفجر حتى ترتفع الشمس عن الأرض قيد رمح. الثاني حين تبلغ الشمس نهايتها في الارتفاع حتى تبدأ في الزوال. والثالث من صلاة العصر إلى الغروب. Le chapitre des heures dans lesquelles il est interdit ou déconseillé de prier. Cheikh Al-Bassam dit, rahimahullah, la prière a été déconseillée pendant certaines heures bien définies, et ceci pour des sagesses que Allah Azza wa Jal connaît, comme le fait de s'éloigner de la ressemblance aux non-musulmans pendant les heures dans lesquelles ils adorent. Et les heures interdites sont au nombre de trois. La première, depuis la prière de l'Fajr, jusqu'à ce que le soleil se lève au-dessus de la terre d'une façon équivalente à une lance. Et on verra ce que signifie cela. La deuxième horaire interdite ou déconseillée, c'est du moment où le soleil atteint son zénith jusqu'à ce qu'il commence son déclin. Troisièmement, depuis la prière de l'Asr jusqu'au coucher du soleil. Depuis la prière de l'Asr jusqu'au coucher du soleil. Ce sont les trois horaires déconseillés ou dans lesquels les prières sont déconseillées ou interdites, et l'on verra les détails par la suite. ثم ذكر المؤلف رحمه الله الحديث الثاني والخمسون. Puis l'auteur a cité le 52e hadith. An Abdillah ibn Abbas radiyallahu anhuma qal shahida indi rijalun mardiyun wa ardahum indi Umar an Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب رواه البخاري ومسلم. التلفظ. نعم. التلفظ. لا هذا النوافل فقط. سنة عبد الله بن عباس رضي الله عنهما إنجي. On va tester en ma présence des hommes agréés et celui que j'agrée ou celui qui est le plus agréé chez moi est Omar. Ils ont attesté en ma présence que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit de prier après la prière de Sobh, après le Sobh, jusqu'à ce que le soleil se lève, et après Al-Asr, jusqu'à ce qu'il se couche. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. ثم ذكر الحديث الثالث والخمسون. Puis l'auteur a cité le 53e hadith et le Cheikh Al-Bassam, rahimahullah, va expliquer les deux hadiths dans une seule et même explication. Al-hadithu al-thalithu al-khamsoun An Abi Sa'idin al-Khudri radiyallahu anha An Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam qal La salata ba'da al-subh hatta tartafi'a al-shams Wa la salata ba'da al-asr hatta taghiba al-shams رواه البخاري ومسلم قال المصنف وفي الباب عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن عمرو العاص وأبي هريرة وسمرة بن جندب وسلمة بن الأكوع وزيد بن ثابت ومعاذ بن جبل وكعب بن مرة وأبي أمامة الباهلي وعمر بن عبس السلمي وعائشة رضي الله عنهم والصنابحي ولم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم فحديثه مرسل. Le 53e hadith, selon Abu Sa'id al-Khudri radiallahu anhu, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Point de prière après le sobh jusqu'à ce que le soleil se lève et, ou plutôt pour être plus précis, jusqu'à ce que le soleil s'élève et point de prière après al-Asr jusqu'à ce que le soleil se couche. » Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Et l'auteur, c'est-à-dire Abdul Ghani al-Maqdisi, a dit, et dans ce chapitre, il y a aussi les hadiths de Ali ibn Abi Talib, de Abdullah ibn Amr al-As, d'Abu Huraira, de Samra ibn Jundub, de Salam ibn al-Akwa, de Zayd ibn Thabit, de Mu'ad ibn Jabal, de Ka'b ibn Murra, de Abi Umamah al-Bahili, de Amr ibn Abbas al-Sulami, de Aisha radiallahu anhum, et de As-Sunabihi, qui n'a pas entendu du prophète sallallahu alayhi wa sallam, son hadith est donc mursal. Tout ceci pour montrer qu'il y a beaucoup de hadiths à ce sujet qui délimitent ces heures ou qui définit ces deux heures dans lesquelles la prière est interdite, depuis As-Subh jusqu'à ce que le soleil s'élève et depuis Al-Asr jusqu'à ce que le soleil se couche. Al-Ma'na al-Ijmali Fi hadain al-hadithain an-nahyu min al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam عن الصلاة بعد الصلاة الصبح حتى تشرق الشمس وترتفع في نظر العين قدر طول رمح أي ما يقارب من 3 أمتار ونهى أيضا عن الصلاة بعد صلاة العصر حتى تغيب الشمس لأن في الصلاة في هذين الوقتين تشبها بالمشركين الذين يعبدونها عند طلوعها وغروبها وقد نهينا عن مشابهتهم في عباداتهم لأن من تشبه بقوم فهو منهم. Le sens général du hadith. Il y a dans ces deux hadiths une interdiction du prophète sallallahu alayhi wa sallam de prier après la prière du subh jusqu'à ce que le soleil se lève et qu'il s'élève de la taille de la longueur d'une lance. Et Cheikh Al-Bassam, rahimahullah, dit c'est-à-dire ce qui équivaut à peu près à 3 mètres. Et il a interdit également la prière après l'Asr jusqu'à ce que le soleil se couche, car la prière pendant ces deux moments serait une ressemblance aux polythéistes qui adorent le soleil au moment de son lever et au moment de son, et au moment de son coucher. Et nous avons été interdits, ou il nous a été interdit, de leur ressembler dans leurs adorations. Car celui qui ressemble à un peuple en fait partie. اختلاف العلماء, la divergence des savants. اختلاف العلماء في الصلاة في هذه الأوقات فذهب جمهور العلماء إلى أنها مكروهة مستدلين بهذه الأحاديث الصحيحة وغيرها وذهبت الظاهرية إلى إباحة الصلاة فيها وأجابوا عن أحاديث النهي بأنها منسوخة وكل الأحاديث التي زعموها ناسخة جعلها العلماء من باب حمل المطلق على المقيد أو بناء الخاص على العام ولا يعدل إلى النسخ إلا إذا تعذر الجمع وهو هنا ممكن بسهولة. Les savants ont divergé sur la prière pendant ces heures. La plupart des savants disent que la prière est déconseillée pendant ces heures. Et ils ont pour preuve beaucoup de hadiths authentiques, ceux cités et d'autres encore. Et Al-Zahiriya, eux, sont de l'avis qu'il est autorisé de prier pendant ces heures. Ils ont répondu aux hadiths qu'ils interdisent, que ce sont des hadiths abrogés, et que les autres hadiths qu'il autorise, ou autrement dit que les hadiths qu'il autorise abrogent ceux qui interdisent. Et les savants ont répondu à Al-Zahiriya en disant que les hadiths qui autorisent viennent restreindre les hadiths qui interdisent. Et l'on a recours à on a recours au nasr qui est au fait d'abroger que lorsqu'on ne peut pas rassembler des hadiths. Quand est-ce qu'on dit ce hadith abroge l'autre? Lorsqu'il n'y a eu aucun moyen de rassembler les deux hadiths. Mais là, il y a un moyen simple de rassembler les hadiths qui autorisent et les hadiths qui interdisent. Le hadith interdit de façon générale de prier, par exemple, depuis la prière de Sobh jusqu'à ce que le soleil se lève et qu'il s'élève. Et les hadiths dans lesquels on comprendrait l'autorisation, eh bien, l'on l'autorise dans les cas précis de ce hadith. Mais l'interdiction reste en vigueur. ثم اختلفوا ما هي الصلاة المنهي عنها في هذه الأوقات فذهب الحنفية والمالكية والحنابلة إلى أنها جميع التطوعات ما عدا ركعتي الطواف مستدلين بعموم النهي الوارد في الأحاديث ومذهب الشافعية ورواية عن أحمد اختارها شيخ الإسلام وجماعة من أصحابنا إلى أنها النوافل المطلقة عن الأسباب أما الصلوات ذوات الأسباب كتحية المسجد لداخله وركعتي الوضوء فجائزة عند وجود سببها في أي وقت ودليلهم على ذلك الأحاديث الخاصة لهذه الصلوات فإنها مخصصة لأحاديث النهي العامة وبهذا القول تجتمع الأدلة كلها ويعمل بكل من أحاديث الجانبين. Une autre divergence des savants sur quelle est la prière qu'il est interdit d'accomplir pendant ces heures. Al-Hanafiya ainsi que Al-Malikiya et Al-Hanabila sont de l'avis que c'est l'ensemble des prières surérogatoires qui sont interdites pendant ces heures, hors exception ou exception faite pour les deux raka'at qui succèdent le tawaf. Et Shafi'iyya, ainsi qu'une version de l'imam Ahmed, et c'est l'avis choisi par Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, que les prières qu'il est interdit de faire sont les prières surérogatoires pures, celles qui n'ont aucune cause. Quant aux prières qui ont des causes, comme les deux raka'at de la mosquée pour celui qui y entre, comme les deux raka'at de celui qui a fait ses ablutions, ceux-ci ou celles-ci sont autorisées lorsque la cause est présente et elles peuvent être faites à n'importe quelle heure. Et ils ont répondu que les hadiths qui montrent les mérites de ces prières viennent restreindre les hadiths qui interdisent de prier pendant ces horaires. C'est clair ou pas? Certains savants ont dit que c'est toutes les prières surrogatoires, et d'autres ont dit parmi les chefs d'islam que ce sont les prières surérogatoires qui n'ont pas de cause. Quant aux prières qui ont des causes, comme de prier Tahiyyat al-Masjid, comme de faire deux unités de prière après avoir fait les ablutions, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme prière avec des causes? Salat al-Istikhara, celui qui a besoin de faire la prière de consultation. Et la prière de consultation se fait avant ou après la consultation? Avant ou après l'invocation? Avant l'invocation. Avant l'invocation. Les deux raka'at précèdent l'invocation. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme prière? La prière de mortuaire, la prière ahsante, la prière de l'éclipse également. Il est autorisé de la faire à n'importe quelle heure car il y a une cause derrière. La prière de la pluie aussi. Toute prière qui a une cause, que tu fais parce qu'il y a une cause. Quant aux prières surérogatoires, tu dis voilà, moi j'ai envie de prier trois séries de deux raka'at, comme ça, fisabilillah. En ce cas, on te dit tu as le droit de les prier, hormis pendant les trois horaires que l'on a cités précédemment. ثم اختلفوا هل يبدأ النهي من صلاة هل يبدأ النهي في الصبح من طلوع الفجر الثاني أو صلاة الصبح فذهب الحنفية إلى أنه يبدأ من طلوع الفجر وهو المشهور من مذهب الحنابلة مستدلين على ذلك بأحاديث منها ما رواه أصحاب السنن الأربعة عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بعد الفجر إلا سجدتين فإنه يدل على تحريم النافلة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر لأن المراد من النفي النهي وذهب كثير من العلماء إلى أن النهي يبتدئ من صلاة الفجر لا من طلوع الفجر واستدلوا على ذلك بأحاديث منها ما رواه البخاري عن أبي سعيد لا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس وبما رواه البخاري عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس وغير ذلك من الأحاديث الكثيرة الصحيحة وما استدل به الأولون فيه ما قال وهو لا يقاوم مثل هذه الأحاديث. Et ils ont divergé également, c'est-à-dire les savants, sur quand est-ce que l'interdiction a lieu concernant l'heure entre As-Subh et le moment où le soleil se lève. Est-ce que l'interdiction commence depuis la prière ou depuis l'apparition de l'aube? Est-ce qu'il y a une différence entre l'apparition de l'aube et la prière? Non. L'heure de la prière peut entrer, mais la prière n'est pas forcément faite au début de son heure. On a vu que le mieux pour les prières autre que la prière de Al-Isha, que le mieux est de faire la prière au début de son heure. C'est l'heure la plus méritoire. Mais la prière de Sobh peut-elle être faite après le début de son heure? La réponse est oui. L'interdiction de prier une prière surrogatoire pure entre-t-elle au moment où l'aube apparaît ou lorsque tu as prié à Sobh? Les savants ont divergé. Certains ont dit c'est depuis l'heure et depuis l'apparition de l'aube. Et ils ont pour preuve le hadith de Abdullah ibn Omar, dans lequel le professeur Hassan a dit point de prière après l'aube, sauf deux prosternations. Et les deux prosternations qui sont voulues dans ce hadith, ce sont les deux raka'at de l'fajr. Et les autres savants ont dit non, l'interdiction commence de la prière de l'Fajr et non de l'apparition de l'aube. Et ils ont pour preuve plusieurs hadiths. Parmi ces hadiths, le hadith rapporté par Al-Bukhari et d'Abu Sa'id al-Khudri, point de prière après la prière de l'Fajr jusqu'à ce que le soleil se lève. Et le hadith de Omar al-Khattab, radiyallahu anhu, rapporté par Al-Bukhari également, point de prière après la prière de Sobh jusqu'à ce que le soleil se lève. Et d'autres hadiths également. Et ils ont répondu au premier que les hadiths qu'ils ont utilisés, rapportés par Al-Bukhari et Muslim pour la plupart, eh bien, que les autres يعني sont plus authentiques que les autres hadiths. ما يؤخذ من الحديثين, ce que l'on retient des deux hadiths. Donc le hadith 52 et le hadith 53. أولا النهي عن نوافل الصلاة المطلقة بعد صلاة الصبح حتى تشرق الشمس وترتفع ما يقرب من ثلاثة أمتار. Premièrement, l'interdiction de prier des prières surérogatoires pures, c'est-à-dire qui n'ont pas de cause, après la prière de Subh, jusqu'à ce que le soleil se lève et qu'il se lève et qu'il s'élève d'une de ce qui est approximativement 3 mètres et qu'il s'élève d'une distance approximative de 3 mètres. Cheikh Al-Bassam a cité 3 mètres pour info, pour information, yani Cheikh Al-Uthaymin rahimahullah lui considère que c'est plus 1 mètre à peu près. C'est 1 mètre à peu près. Ça, c'est en termes de distance. Et en termes de temps, c'est à peu près entre 10 et 1 quart d'heure. Donc entre 10 minutes et 1 quart d'heure après le lever du soleil. Donc ces 10 minutes et ce quart d'heure qui suivent le lever du soleil font partie de l'heure dans laquelle il est interdit ou déconseillé de prier. Non, l'heure de Shuruq à peu près, non. C'est ça ou il faut attendre 10 minutes après? Non, Shuruq parle, yani l'heure de Shuruq définit l'heure dans laquelle le soleil se lève. Il faut rajouter 10 minutes, un quart d'heure à cette heure, non. À moins que les calendriers ont pris en compte cette durée. Thaniyan, النهي عن نوافل الصلاة المطلقة بعد صلاة العصر حتى تغيب الشمس. Deuxièmement, l'interdiction de prier des prières surrogatoires pures après la prière de l'Asr, et ceci jusqu'à ce que le soleil se couche. Thalithan, يؤخذ من حديث أبي سعيد لا صلاة بعد صلاة الفجر أن النفي هنا للجنس وهذا مقتضى اللغة لكن صيغة النفي إذا دخلت على الفعل في ألفاظ الشارع فالأولى حملها على نفي الفعل الشرعي لأن جنس الصلاة لا يمكن نفيه فالشارع يطلق ألفاظه على عرفه وهو الشرعي. Là ensuite c'est une remarque يعني subtile de Cheikh Al-Bassam dans laquelle il veut dire que la prière, point de prière après la prière de l'Fajr, qu'il ne faut pas comprendre point de prière quelle que soit la prière, mais qu'il faut la comprendre dans le contexte religieux, dans le contexte islamique. رابعا فهم من بعض الأحاديث أن علة النهي هي خشية مشابهة الكفار فيؤخذ من هذا تحريم التشبه بهم وتقليدهم في عباداتهم وعاداتهم وتقاليدهم. Quatrièmement, il a été compris de certains de ces hadiths que la cause de l'interdiction des prières pendant ces heures est la peur de ressembler aux non-musulmans. On doit retenir de ce hadith que il est interdit de ressembler aux non-musulmans, ni de les imiter, que ce soit dans leurs coutumes, dans leurs adorations ou dans leurs habitudes. Faïda, al-mu'allif, lam yata'arrad للثالث من أوقات النهي مع ثبوته في الأحاديث وهو وقت ضئيل قليل يبتدئ من حين تنتهي الشمس بالارتفاع حتى تزول وقد ثبت تحريم الصلاة فيه بأحاديث منها ما رواه مسلم عن عقبة بن عامر 3 ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا إحداها حين يقوم قائم الظهيرة ومنها ما رواه مسلم أيضا عن عمرو بن عبسة ومنه ثم صل حتى يستقل الظل بالرمح ثم أقصر عن الصلاة فإنه حينئذ تسجر جهنم. Il remarque de Cheikh Al-Bassam, il dit que l'auteur n'a pas parlé de la troisième horaire dans lequel la prière est interdite ou déconseillée, alors que cela est rapporté dans des hadiths. Et ce laps de temps est court, et il commence du moment où le soleil commence à s'élever jusqu'au moment où il décline, où il commence son déclin. Et l'interdiction de la prière pendant cette heure a été rapportée dans plusieurs hadiths. Parmi ces hadiths, le hadith rapporté par Muslim dans son Sahih, selon Uqba ibn Amir, qui a dit, trois horaires, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a interdit de prier pendant celle-ci et d'enterrer nos morts pendant celle-ci. Et il a cité parmi elles, au moment où se lève Qa'imu al-Zahira. Comment traduire cela? Intellectuellement, ça va être très dur, mais le sens c'est al-Zahira. C'est lorsque le soleil est à son zénith. C'est-à-dire que lorsque celui qui se lève, à ce moment-là, celui qui est debout n'a pas d'ombre. Il n'a pas d'ombre, ni à sa droite, ni à sa gauche. Et ceci pour montrer et pour donner une image que c'est au moment où le soleil est au plus haut dans le ciel. Au moment où le soleil est au plus haut dans le ciel. Et certains ont dit, au moment où le soleil s'arrête. Et c'est une image qui est donnée au soleil qui s'arrête, car pendant ce moment, les choses n'ont pas d'ombre et on a l'impression que le soleil s'est arrêté, mais en réalité il continue à monter et à descendre, mais à ce moment l'ombre n'existe pas et on a l'impression que le soleil s'est arrêté alors qu'il ne l'est pas. Et dans le second hadith de Amr ibn Abasa qui dit, où le professeur Hassan lui a dit, puis prie jusqu'à ce que l'ombre coïncide avec la lance, jusqu'à ce que l'ombre coïncide avec la lance, c'est-à-dire au moment où la lance n'a pas d'ombre. Puis abstiens-toi de la prière, car c'est à ce moment que l'enfer est le plus chauffé, car c'est à ce moment que l'enfer est le plus chauffé. Et ce moment, comme l'a dit Cheikh Al-Bassam, est un laps de temps court qui est à peu près entre, comme le dit Cheikh Al-Uthaymin, qui est au maximum de 10 minutes. Au maximum de 10 minutes. Donc c'est le moment où le soleil est au plus haut et il faut attendre 10 minutes. Pendant ce laps de temps, il est interdit ou déconseillé de faire la prière, une prière surrogatoire, comme on l'a expliqué, ou d'y enterrer un mort. C'est 10 minutes avant le Zohr, c'est ça? Non, à peu près. Car le Zohr apparaît au moment où le soleil dépasse son zénith. À partir du moment où il y a un semblant d'ombre, ou une petite ombre, l'heure de Zohr entre. Mais au moment du zénith et les 10 minutes qui le précèdent, il faut s'abstenir de faire une prière surrogatoire pure. فائدة ثانية, كثير من أحكام الشريعة بنيت على البعد عن مشابهة المشركين لأن في تقليدهم والتشبه بهم تأثيرا على النفس يتدرج ويمتد حتى يصل إلى استحسان أعمالهم واحتذائهم فيها حتى يزول ما للمسلمين من عزة ووحدة واستقلال ويصبح تبعا لهم قد ذابت شخصيتهم ومعنويتهم فيهم وبهذا يدلون على المسلمين والإسلام يريد من المسلمين العزة والوحدة في عباداتهم وعاداتهم وتقاليدهم وأحوالهم ويريد منهم أن يكونوا أمة مستقلة لها صفتها الخاصة وميزتها المعروفة. Une deuxième remarque de l'imam Abdullah al-Bassam, rahimahullah, il dit beaucoup de jugements islamiques existent dans le but d'éloigner les musulmans de la ressemblance aux non-musulmans. Car de ressembler aux non-musulmans dans leurs habitudes, ceci a sans aucun doute une influence dans la personne. Et cette influence augmente et accroît jusqu'à arriver au point de juger ou de considérer bon leurs actes et de se rapprocher d'eux. Et en ressemblant aux non-musulmans, eh bien les musulmans perdront de leur force, de leur puissance et de leur unité et de leur indépendance. Et en ressemblant aux non-musulmans, ils les suivront. Et leur personnalité sera dissoute. Et l'islam veut des musulmans qu'ils soient forts, qu'ils soient puissants, qu'ils soient autonomes dans leurs adorations, dans leurs habitudes, dans leurs coutumes, dans leur état. Et il veut, et l'islam veut des musulmans qu'elles soient une communauté ou qu'il soit une communauté indépendante qui a ses caractéristiques propres à elle. ومع الأسف الشديد نجد المسلمين في عصرنا يجرون خلفهم بلا روية ولا بصيرة. Et avec le plus grand désarroi, nous constatons que les musulmans à notre époque courent derrière eux sans honte et sans clairvoyance. Et tout ce qui provient de l'Occident est la chose bonne. Et tout acte qu'ils font, alors c'est le plus beau. Même si celui-ci contredit la religion et le bon comportement. فَإِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. C'est à Allah que nous appartenons et c'est vers lui que nous retournerons. Allahumma ayqid al-muslimina min ruqdatihim wa nabbihhum an min ghaflatihim. Puis il fait une invocation rahimahullah en disant: Ô Allah, réveille les musulmans de leur sommeil et réveille-les également de leur insouciance ou يعني secoulait dans leur insouciance. وَجْمَعَ عَلَى الْحَقِّ وَالْهُدَى كَلِمَتَهُمْ. Et réunit dans la vérité leurs paroles. إِنَّكَ سَمِيعُ الْمُجِيبُ. Tu es celui qui entend et qui exauce. وَلَيْسَ الْمُرَادُ أَلَّا نَتَعَلَّمَ مَا عَلَّمُوهُ مِنْ صِنَاعَةٍ وَاخْتِرَاعٍ. Et cela ne veut pas dire que l'on ne doit pas apprendre ce qu'ils ont appris comme chose en rapport avec l'industrie ou les innovations. فهذه علوم مشاعة لكل أحد. Ces sciences sont ouvertes et à portée de tout le monde. ونحن أولى بها منهم. Et nous sommes prioritaires sur eux quant à ces sciences. لأننا حين نتعلمها نستعملها فيما يأمر به ديننا من استتباب الأمن والسلام. Car nous, les musulmans, en apprenant ces sciences, nous en ferons un usage qui sera en concordance avec notre religion, qui permettra la tranquillité et la paix et le bonheur de l'humanité. وَإِسْعَادُ الْبَشَرِيَّةِ أَمَّا كَوْنُهَا بِأَيْدِي طُغَاةٌ مُسْتَعْمِرِينَ فَسَتَكُونُ أَدَاةُ تَخْرِيبٍ وَدَمَارٍ لِلْعَالَمِ. Quant au fait que ces sciences soient à portée de main de ces agresseurs et de ces colonisateurs, alors cette science sera un outil de destruction et d'anéantissement du monde. ونكتفي بهذا القدر وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.